vous dévoile son cirque nocturne. Clown en pleurs, clown en colère, clown grotesque ou déchu, tous au manège, vous ne serez point déçus. À la nuit tombée, 31 octobre et 1er novembre fatidique, que l'Abreuvoir célèbre les esprits tordus et maléfiques. L'Abreuvoir, pub, club, terrasse, 403 Ontario Est. L'Omnium du rock mis au jeu est de retour pour une 10e édition. Ça commence cette semaine avec 32 groupes qui feront partie de la plus importante compétition de band au Québec. Manquez pas cette semaine les rondes préliminaires de l'événement rock de l'année. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi au Café Campus. Visitez le omniumduroc.tv pour voir la programmation complète. L'Omnium du rock mis au jeu, une présentation de CISM en collaboration avec Steve Musée. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue à l'émission Le Terminus. Jean-François Lusignan avec vous. Le Terminus, c'est une heure de rock indépendant, rock alternatif, shoegaze, grunge et pas mal ça, ce qui gravite autour de ça. La liste des chansons qui aura tourné durant l'heure, pendant l'heure, sera disponible à la fin sur le CISM893.ca. On commence. En fait, le premier segment de l'émission de ce soir commence avec de la musique de Ice Age qui reprennent un groupe que je connaissais vraiment pas, c'est Bahou Mitsu Drama Group, leur chanson To The Comrades, donc une reprise qui va accompagner une autre reprise, cette fois-ci de Sinéad O'Connor, et ça paraîtra au mois de novembre sur un 7 pouces, donc sur l'étiquette Matador, donc c'est mis le groupe Ice Age, deux reprises vraiment à jeter une oreille, mais on commence tout de suite avec Octagrape, qui pourrait être considéré comme les fils spirituels de Sebado. Octagrape sont de San Diego et, drôle de hasard, ils sont en tournée justement actuellement avec Sebado. Ils s'arrêteront à Montréal le 5 novembre au Île Motoré. On écoute une chanson extraite de leur dernier album, je crois que c'est leur deux ou troisième album. Il s'appelle Red UFO. On écoute la chanson Swoops de la formation Octagrape. We'll be right back. Oh, de leur nouvel album No Passion All Technique. C'était Proto Martyr avec Ypsilanti. Et après quelques recherches sur Internet, il semblerait que c'est aussi, à part d'être le nom d'une chanson, c'est également une ville du Michigan, d'où vient d'ailleurs le groupe Proto Martyr. Et ils ont accompagné en tournée les vétérans de Modoni au courant des dernières semaines. En fait, au début de l'automne, ils étaient d'ailleurs à Montréal le 1er septembre dernier, si vous étiez là. Pour le spectacle de Modoni, c'était Proto Martyr qui était là en première partie. Et avant ça, il y avait également la musique de Ice Age, une reprise de Bahuhumuti Drama Group, la chanson tout de Comrades, une chanson qui sied bien quand même à la formation Ice Age, avec le chanteur qui est toujours très très fâché, là. Et là, ça correspondait bien à l'attitude de Ice Age. En fait, ils ont réussi à la tourner à leur son comme on les connaît. On va écouter maintenant quelque chose d'un peu différent. Ça sera deux formations qui donnent un peu plus dans les trucs un peu plus planants, tendance shoegaze. On va écouter à l'instant la musique de Fontaines, des Anglais, qui ont fait paraître un album qui s'appelle Aisley Led l'année dernière. On écoute la chanson Aisley Led, justement, sur les ondes de CISM à l'émission Le Terminus. We'll be right back. feel. Try and make it look real. Non, c'était pas The Raveonettes, non, surtout pas. C'était His Name is Codeine et leur chanson Shoot to Kill. Il s'agit d'une formation écossaise qui vient de faire paraître un album qui s'appelle The Only Truth is Music. Et c'est disponible sur leur Bandcamp. Ils sont d'ailleurs très, très fiers d'avoir tout fait eux-autres même sans l'aide de personne. On appelle ça le Do It Yourself. Et on va continuer avec trois autres nouveautés. Vous allez entendre dans les prochaines minutes la musique de The Prids, un groupe de Portland en Oregon, avec une chanson qui se retrouve sur une compilation d'un label de l'Oregon, justement, qui regroupe des artistes du coin, label qui s'appelle Cassingle and Loving It Records. Et ce sera la chanson I'm Sorry de The Prids. Mais on commence tout de suite avec le duo de Brooklyn Hunters et leur chanson She's So. Tout ça, c'est sur les ondes de CISM 89.3 au Yale. Where it's just a song, but it's taking me and making me crazy. Like every time you smile and the way that it's having its way with me. I'm sorry that you never know. I'm sorry that you never. It's just a song, but it's keeping me from feeling so lazy. She was here the other night, and I promise that it didn't mean anything. I'm sorry that you never know. I'm sorry that you never know. I'm sorry that you never know. I'm sorry that you never know. jusqu'à 20h. C'est l'émission Le Terminus qui se poursuit. Jean-François Lusignan avec vous. Et ce que vous venez d'entendre, c'était du vieux Dinosaur Jr. De leur album You're Living All Over Me, qui est sorti en 87 quand même. C'était la chanson Raisins et ça détonnait vraiment pas du tout avec ce qu'on avait entendu plutôt auparavant. Donc, preuve que du Dinosaur Jr., ben, ça vieillit très très bien. Et si vous aimez le groupe ou vous intéressez à l'histoire de Dinosaur Jr., qui a été fondé quand même en 84, il y a un livre qui est sorti au mois d'août, qui a été sorti même par le groupe, qui s'appelle Dinosaur Jr. by Dinosaur Jr. Et là-dessus, vous allez apprendre toutes sortes d'histoires à propos du groupe, du trio, fondé par G. Macis, Lou Barlow et Murph, donc je disais en 84. Et dans le dernier segment, il y avait aussi la musique de Waxahachie et la courte chanson Coast to Coast, et on avait commencé ça avec les groupes de Prids et également Hunters. On écoute maintenant un trio francophone. On débute ça avec une formation qui s'appelle Dear Bunnies. Ils n'existent plus malheureusement, mais ils sont composés. Là-dedans, il y avait deux membres du groupe Ultra Pterodactyl, qui a une chanson actuellement sur le palmarès. Et ils ont sorti un album en 2010 qui s'appelle Bichonnade en vol. Et là-dessus, une super chanson qui ouvre l'album. Elle s'appelle Oublier l'hiver. On écoute ça à l'instant sur les ondes de CISM. Débarque les amis avec une bouteille de vin. Avec toi. C'était Mara Tremblay avec la chanson qui ouvrait son album Le Chihuahua, sorti en 1999. Un album qui a beaucoup, beaucoup tourné ici à CISM à l'époque. Il est très, très usé. Beaucoup de papier collant sur la pochette. C'était la chanson Taku. Un album également Chihuahua qui avait été co-réalisé avec Fred Fortin et Olivier Langevin. On remarque tout de suite leur touche, la basse, les guitares également, la distorsion. Et avant Mara Tremblay, c'était Natacha, un autre succès de CISM, Esclavo de le rock'n'roll, qui était sorti lui en 2005. On avait commencé le segment avec Dear Bunnies et leur chanson Oubliée l'hiver. On continue maintenant, on a le temps encore une autre chanson pour une autre chanson. Cette fois-ci, quelque chose d'un peu plus pop, je vous dirais. Une formation qui vient de Memphis aux États-Unis. Ça s'appelle Another Green World. On écoute la chanson Blood. We'll be right back. Another Green World et leur chanson Blood. Restez à l'écoute dans quelques instants, c'est la charmante Romane Louin qui s'en vient avec l'émission Nous sommes les rockeurs. Si vous voulez retrouver la liste des chansons qui ont tourné pendant la dernière heure, ben ça va se retrouver dans quelques instants sur le CISM893.ca. Sinon, les archives sur leterminus.ca. On se quitte avec la musique d'un groupe de Halifax. Il s'appelle Map Eyes. On écoute leur chanson Madame's Our Fortune. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle lundi prochain, 19h, pour une autre édition du Terminus. Ciao! Now the madams of fortune will never know the depths of my pain, but it's because of this they'll never know we feel the same. I feel the same as you, baby. Yeah, right in my mind and my body. That's right, I never thought of you as whipped. I only thought of you as lovers. The idea of being whipped today alone under your covers. If I am whipped, it's by myself. It's by myself. It's by myself. Le festival jazz à l'année, des concerts qui plairont à tous. Sur scène, George Drexler pour une soirée mariant pop, folk et sonorités d'Amérique du Sud. La formation montréalaise Quart Tango mélange tango, jazz et musique classique. Le pianiste canadien du Boogie Woogie, Michael K. Shammer. Et un amalgame de jazz, de funk et de soul avec The Soul Jazz Orchestra. Billets sur montrealjazzfest.com. Une présentation de TD en association avec La Presse Plus et CISM. L'Omnium du rock mis au jeu est de retour pour une 10e édition. Ça commence cette semaine avec 32 groupes qui feront partie de la plus importante compétition de bands au Québec. Manquez pas cette semaine les rondes préliminaires de l'événement rock de l'année. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi au Café Campus. Visitez le omniumduroc.tv pour voir la programmation complète. L'Omnium du rock mis au jeu, une présentation de CISM en collaboration avec Steve Musée. Hey, it's Graham from Miracle Fortress, and you're listening to CISM 89.3. Hey l'étudiant, il est possible pour toi de te procurer ta passe pour le Mont-Saint-Sauveur dès aujourd'hui. L'abonnement est valide pour 6 stations. Tu pourras en profiter le jour, le soir et même les week-ends. De plus, viens découvrir un des plus beaux snowparks du Québec. Dirige-toi en ligne au mont-saint-sauveur.com pour te procurer ta passe avant qu'il ne soit trop tard. L'abonnement étudiant du Mont-Saint-Sauveur, seulement $299. Pour info ou achat en ligne, visite le mont-saint-sauveur.com. Samouraï des jungles urbaines et I Love Neon, en collaboration avec CISM, présente Massoukou, le party d'Halloween pour audiophiles montréalais. Le 31 octobre prochain, venez célébrer la fête des morts à la SAT au son de Amon Tobin en tant que Two Fingers, Eskimo, Ghostbird et Vandal. Billets en vente au Atom Art, Mugodio et Off the Hook.